toujours à Paris. On vient lui dire à Abidjan qu'il est tombé sur escalier roulant. Hassan, faut dis-moi la vérité. Est-ce que c'est pas toi-même? Je vais vous dire la vérité. On arrive à Paris, oh, oh. Premier jour à Paris, oh. On arrive à Paris, oh, oh. J'étais dans l'avion. Tout d'un coup, j'ai eu l'envie de fumer. J'ai regardé autour de moi. Tout est écrit, no smoking. Si tu comprends pas anglais, ça veut dire faut pas fumer ici là. On arrive à Paris, oh, oh. Premier jour à Paris, oh. On arrive à Paris, oh, oh. Je descends de l'avion. La fumée sort de ma bouche. J'ai dit mais Bengue est merveilleux. Cigarette j'ai fumé depuis Abidjan. C'est arrivé à Paris que la fumée sort de ma bouche. Vraiment mes amis, oh, Bengue est merveilleux. Tu vas pas 25 ans là-bas, 35 ans là-bas. Tu as ton premier jour à Paris. Et même Chicago a eu son premier jour à Paris, oh. Erico Faye a eu son premier jour à Paris, oh. Même le grand Georges Bailly a eu son premier jour à Paris, oh. Pour moi là c'est petit. Premier Gaou à Paris, oh. Premier Gaou à Paris, oh. Asalfo est venu me voir, il me dit petit Yodé. Comme toi tu vas souvent à Paris, quand tu montes dans l'avion, par quoi tu commences? Je lui ai dit mon petit. Quand tu montes dans l'avion, dès que tu t'assois, tu regardes au-dessus de ta tête. Y'a des boutons qui sont calés. Si tu appuies dessus, sucrerie va sortir. Asalfo dans l'avion, dès qu'il s'assoit, il appuie sur le bouton. Le bouton a résonné quiconque. Il a approché sa bouche, il dit je veux jus d'ananas. J'ai oublié, tu m'as beaucoup de glace. Premier Gaou à Paris, oh. On arrive à Paris, oh. Premier Gaou à Paris, oh. On arrive à Paris, oh. Ils sont arrivés à Paris. Kiki Touré les a menés dans un McDo. Là-bas y'a pas piment, y'a pas oignon, y'a pas fait de main huile dedans. Y'a pas poisson ton. On demande à Dino, qu'est-ce que tu prends? Regardez Managa, Managa regarde Koudé regarde Asalfo. Comme le manager il est derrière, tout le monde vers Kabila. Mais Kabila il est intelligent, il demande à Kiki Touré, toi-même qu'est-ce que tu prends? Il dit pour moi c'est un Big Mac. Quand ils ont attendu Big Mac, magicien, alors c'est Big Mac. Asalfo voulait mettre la différence. Il dit au serveur, je veux MC Donald. C'est quel qui a dit ça là encore? Premier Gaou à Paris, oh. On arrive à Paris, oh. Premier Gaou à Paris, oh. On arrive à Paris, oh. Et en plus, ils se sont pas arrêtés là. Dans un magasin de chaussures, Asalfo demande une paire de crêpes. On dit va à la pâtisserie. Ici nous on vend des baskets. Espoir 2000 à Paris, oh.